tous les branleurs, tous les branleurs. Je vois tous les branleurs, pas de quiproquo. Ma musique n'adoucit pas les mœurs, il paraît que toi t'es tombé dessus mais par erreur. Ok, sois pas déçu et je serai pas désolé. Mec, c'est un cri de ralliement quand toi tu penses être isolé. Tous les branleurs, ma musique n'adoucit pas les mœurs, il paraît que toi t'es tombé dessus mais par erreur. Ok, sois pas déçu et je serai pas désolé. Mec, c'est un cri de ralliement. Pas de quiproquo, je viens refuser tout ce qu'il propose. Pas de quiproquo. Ok, moi je viens taper sur les fraises. Pas de quiproquo, je viens refuser tout ce qu'il propose. J'écris pendant que la nuit porte au petit prolo certains conseils. J'aspire aux causes utiles aux nôtres, on fait payer la crise aux pauvres. Du coup les cris trop hauts sont par centaines. Et oui poteau, ce qui s'oppose va dire aux autres qu'un sirocco attise trop quand nos propos sont incendiaires. C'est mon ce que dit solo, car dans ce mode de vie, dodo, bédo, boulot, métro, dis-moi combien s'enferme. Je reviens de l'enfer, avec un pavé de bonnes intentions. Attention, le roi sera contraint de s'en faire. Dites au piccolo que ce qui compose leur cycle, entre autres, c'est les biscottos, des gigolos, des mannequins sans tête. Tu trouves ça rigolo, mais faut agir en gros. On n'est pas des robots, reprends ta vie des mains de ton maître. Au micro, j'ose causer quand le niveau d'eau va monter. Va dire au minot que l'humain s'entête. A bousiller la terre, mère, c'est tirer des gens terre. Faire et j'espère que t'as pigé qu'on est rien sans elle. Chacun son texte, mais je me rappelle d'une époque où face aux dérives du système, certains chantèrent. C'est insensé, je vois pas la hip-hop comme un jeu. La révolte est comme un feu, elle c'est insensère. Moi je viens souffler sur les braises, des sutures sur les plaies, soyez prêts à en faire l'inventaire. Nique tes compromis. Ok. Nique tes compromis. Je viens m'emparer de ce qu'ils m'ont promis. Mes co-cromis, j'ai trop commis de grosses folies. J'ai envie d'être à la hauteur pour nos homies. J'ai trop omis ce qu'on opprime et qu'on oublie. Donc aujourd'hui j'accomplis ce texte. Ok. Entre gauche et droite, j'ai tout compris. C'est gros profit avant l'homme. Je crois que vos conneries sont ambidextres. Tant qu'on vomit nos pros horribles et qu'on solide une unité pour qu'on s'unisse à grande vitesse. Mec, ça me démange et j'ai voulu sortir des rangs. Et j'ai dérogé, ça dérange et grand, j'ai compris que cette société nous voulait pas s'y faire ranger. Je vais la ranger enragée car moi j'ai rongé mes grosses ficelles. Ce monde est notre reflet, refrais, je le referai quand j'aurai changé. Je prise la glace et gagne ces temps de misère. Tu crois que je tente m'y faire? Non, pour qu'on existe faut qu'on résiste et je pense qu'il est temps de s'y mettre. Toi t'es tombé dessus mais par erreur, ok. Sois pas déçu et je serai pas désolé. Mais c'est un cri de ralliement.